I'm going to go to the next one.

something to drive me blind. Et vas-y, fais-moi là. Un couplet. Pour s'amuser.

for loving me. Three, four. Ouais, ça synchronise. Ça, c'est la faute à Martin, hein.